franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Margaret, je te bande les yeux, je t'attache les mains dans le dos et je vais te faire une grosse surprise en t'emmenant faire un tour sur la rocade de Tarbes. Chouette, divine surprise. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque figure-toi que le pape Benoît XVI s'y est arrêté, alors non pas sur la rocade, mais à Tarbes. Tarbes, sa cathédrale, son centre historique et sa place du marché. Alors c'est à Tarbes que nous partons. Et oui, regarde. Et oui, Philippe, pour y deviser avec Roxane de Tarbes qui a un problème. Moi aussi j'ai un problème, Marga, je crois bien que je t'aime. Bonjour Roxane. Bonjour Marga, bonjour Philippe. Docteur. Alors Roxane, ce problème anima sana ou corpore sano? Eh bien le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est ma fille de 8 ans qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Ah, bienvenue au club. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, elle va vous le dire elle-même. Allez. Allez, viens. Vas-y, dis-le. Il y a des milliers de gens qui écoutent. Allô? Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu, petite? Je m'appelle Chloé. C'est un joli nom de petite chippie, ça, Chloé, non? Ben, oui. Bonjour, dis donc. Ben, faut dire bonjour, hein. Alors, petite sale... Hein? Alors, coquine. Bonjour, monsieur. Voilà. T'es sage maintenant. Eh ben voilà. Bonjour petite fille. Bonjour madame. Alors, comment t'appelles-tu? Je vous ai dit. Dis donc, Chloé, non mais dis donc. Dis-le ce que t'as fait. Non. Si, sinon c'est moi qui le dis. Et je le dis aussi à l'école, hein, devant la classe. Non. Eh ben elle m'a fait pipi au lit, voilà. Mais non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, dis donc, menteuse. Menteuse, dis donc. C'est pas bien ça d'être menteuse. Tu mens beaucoup, dis-moi. Alors après, du coup, ben, quand tu dis des choses, on te croit plus. C'est bien, ça? C'est... Ben non. Ah ben non. C'est pas... Qu'est-ce que tu caches qui est interdit, sinon? Hein? Ben, rien. Bon, alors Chloé, quand tu as uriné dans ton lit... Mais ce n'est pas vrai. Dis donc, je t'ai laissé parler tout à l'heure, alors tu me laisses parler maintenant. Alors, tu voulais dire quoi? Je ne fais pas pipi au lit, j'ai fait qu'une fois hier... J'ai rêvé que je faisais pipi et quand je me suis réveillée, mon lit était tout mouillé. Eh ben ma vieille... Oui? Non, je parle à votre fille, madame. Eh ben ma vieille, t'es dans de beaux draps, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est la psychothérapeute qui te le dit. Ça n'est arrivé qu'hier, mais j'ai peur que ça se reproduise. Chloé, c'est quelque chose qui est désagréable? Quoi? Quand tu fais pipi au lit? Mais je ne fais pas pipi au lit. Dis donc! C'est arrivé qu'une fois. On vient de déménager et je viens d'avoir un petit frère... Je pense que c'est ce qu'on appelle une anurésie secondaire liée à un stress face à une situation nouvelle. Dis donc. Dis donc. C'est qui la psy? Non, mais pardon. Elle est sourdouée, alors elle fait la maline. Elle a passé sa matinée à faire des recherches là-dessus. Elle aurait mieux fait de changer ses draps. Bon, madame. Oui. Non, je parle à Chloé. Oui. Bon, madame, est-ce que tu connais, puisque tu sais tout, l'urinothérapie punitive? Non. J'ai lu sur Internet que les Japonais pratiquaient l'urinothérapie. Mais ça, je ne connais pas. Non, mais dis donc. Mais c'est connu. Non, c'est à ta maman que je parle. Il ne faut pas la laisser aller sur Internet, madame, dites donc. Mais elle va dans les webcafés. Nespresso, Nescafé, Maison du Café. Donc, Roxane, vous allez essorer les draps de la honte au-dessus d'un récipient, idéalement le bol breton avec le prénom de votre fille qu'elle utilise au petit déjeuner. Mais j'ai déjà lavé les draps. Ah, zut. Bon, alors, tout bêtement, vous lui faites repasser tous les draps de la maison, voilà. Elle n'est pas un peu jeune pour manipuler un fer à repasser brûlant, non? Elle n'est pas trop vieille pour faire pipi au lit? C'est pas bien de me faire culpabiliser. La culpabilité, c'est une émotion relative qui repose sur le sentiment qu'on porte une responsabilité personnelle dans un événement fâcheux. Or, moi, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Dis donc. Madame, si j'étais vous, écoutez, je la mettrais en pension directe. Je lui éviterais tout contact avec le monde extérieur. Son sentiment de supériorité me paraît sans limite, alors mettez le maximum de distance entre elle et vous et évitez de la croiser. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, petite Chloé. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Alors, Philippe, quelle petite phrase de derrière les fagots vas-tu nous fournir ? Eh bien, je citerai un personnage de Jean de La Fontaine, Jules Renard, à qui il fait dire « Il n'y a pas de génie, mais de petits génies éphémères ». Vlan dans les dents, voilà qui devrait calmer la petite Chloé. Merci pour la mise en onde de Yann Chouquet. Merci à Marga et merci à vous tous. Merci Philippe et au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.